te hantise. Et si cela vient du mot relier, cela veut dire que c'est une technique. Une religion est une technique qui devrait permettre à l'homme de se relier à quelque chose. Alors, certaines religions portent dans d'autres langues le nom de yoga, qui veut dire aussi relier. Et ce sont des techniques, encore une fois, il y a différentes formes de yoga, il y a différentes formes de religion, qui devraient permettre de relier l'homme ou quelque chose chez l'homme à Dieu ou à quelque chose chez Dieu. La problématique des évolutions est évidemment de se poser la question, qu'est-ce qui chez l'homme doit se relier à qu'est-ce qui chez Dieu doit être relié? Alors que la religion enseigne différentes techniques, comme les prières, les exercices, les pèlerinages, les offrandes et d'autres petites choses, en même temps, toute forme de religion planétaire depuis le début des temps empêche totalement l'homme d'être libre de la technique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de religion sur cette planète qui permette à l'homme de se libérer d'elle. Toutes les religions, ainsi que toutes les techniques de reliement à une quelconque supériorité, à une divinité, permettent apparemment à l'homme d'atteindre certaines choses, mais ne libèrent pas l'homme de la technique. Et il n'y a pas de bonne technique si la technique rend l'homme esclave de la technique. Alors si à un moment donné, vous pratiquez la méditation, et la méditation vous amène la paix, lorsque vous cessez de pratiquer la méditation, vous perdez la paix. C'est que la paix a toujours appartenu à la méditation, jamais elle ne vous a appartenu. Alors, pour avoir la paix de la méditation, vous devriez toute votre vie pratiquer la méditation dans l'illusion d'être libre de la colère. Vous serez l'esclave de la technique, la méditation, afin d'avoir l'illusion d'être en paix. Une bonne technique instruit l'homme. Elle amène à l'homme des choses et par la suite, elle permet à l'homme de se libérer d'elle, en laissant à l'homme ce qu'elle lui a donné comme cadeau. Une bonne technique de méditation, par exemple, si elle amène la paix à l'homme, lorsque l'homme a la paix, il devrait pouvoir cesser de méditer tout en conservant la paix. Lorsqu'une technique qui permet de relier l'homme ou relier une partie de l'homme à une partie de Dieu ou à un Dieu quelconque, lorsqu'une technique esclavagit l'homme à elle-même, elle ne relie pas l'homme véritablement à une intentionnalité créatrice, à ce que certains appellent Dieu, mais elle relie l'homme au culte. Elle relie l'homme à la technique. Et parce que l'homme se sert d'une technique, il reçoit nécessairement une quelconque récompense de la technique. Mais encore là, l'homme n'a jamais réussi à avoir ce qu'il méritait. C'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes qui apparemment ne prient pas, ne sont pas assujetties à ces techniques, vivent plus longtemps, sont plus riches, et on va dire oui, mais ils iront en enfer. Par contre, on a d'autres personnes qui sont plus bonnes, sont plus pauvres, prient, et on va dire, oui, mais ils iront au ciel. Oui, ils sont déjà en enfer, et la seule petite carotte qu'on peut leur donner en avant, c'est de leur dire qu'au moins, étant donné que présentement tu souffres, disons que plus tard tu ne souffriras pas. Mais il se trouve que dans le monde de la mort, plus personne ne souffre, qu'il a été criminel ou qu'il a été sauveur. Il ne souffre plus. De ces techniques, différentes techniques enseignent différentes voies. Ces techniques religieuses, la religion. Ces différentes voies assujettissent et rendent tellement l'homme esclave d'elle-même que depuis le début des techniques religieuses, il y a eu des guerres religieuses. Parce que l'homme veut la paix et il est prêt à la partager avec violence, avec autrui. On ne veut pas la paix sur la terre. On veut la paix de Yahvé, ou la paix de Jéhovah, ou la paix de Allah, ou la paix de Manitou. On veut la paix de la technique. Étant donné que la majorité des techniques relient l'être humain à un égrégore particulier du monde de la mort, ce qui, dans le langage de la majorité des êtres humains de la planète, porte le nom de Dieu, quelle que soit l'étymologie qu'on veut bien accoler à ce nom dans les différentes langues, tous les dieux demandent une chose en premier. Croissez et multipliez-vous. Et deuxièmement, portez la bonne nouvelle et convertissez. Quelle que soit la technique, elle implique ces deux lois. Ces deux lois sont finalement une seule loi. Plus il y aura d'êtres humains à prier le même Dieu, plus ce Dieu sera nourri émotivement d'énergie de l'homme et plus ce Dieu gagnera en puissance. Si l'humain croit et se multiplie et que les enfants sont instruits dans la même technique, Jéhovah grandit, Yahvé grandit, Allah grandit, mon Père grandit, mon Dieu grandit. Lorsqu'il y a des gens qui sont convertis, les gens qui viennent de Allah convertis à mon Dieu font grandir mon Dieu alors qu'Allah diminue. Et plus il y a d'êtres humains qui nourrissent le même Dieu, plus le Dieu grandit. Et c'est pourquoi dans la majorité des cas de technique, il y a eu cet enseignement de la prière, prière qui ne donne pas de résultats tellement vers l'humain, mais qui par contre en donne un immense vers les dieux. Lorsque l'être humain prie, ne sachant pas comment prier, il prend son énergie et il la place dans un égrégore. L'égrégore qui lui a donné le nom à sa naissance. Alors de ce fait, Isaac appartient à un juif. Daniel appartient à un chrétien catholique. Ram appartient à une personne de race aryenne, religion hindoue, krishnique. On ne peut pas s'appeler Isaac et être chrétien. On devra être baptisé avec un nom qui nous permettra d'être assujetti à un égrégore particulier, celui de l'Église catholique romaine, par exemple. Lorsqu'un pape devient pape, il est baptisé, il change de nom, pour plusieurs raisons. Il doit abandonner l'égrégore qui lui permettait de passer par la porte d'en avant, où il y a les filtres dans cet égrégore, le grand égrégore catholique dans lequel il entre, et il doit maintenant porter le nom d'un pape ou avoir un nom nouveau, de façon à lui permettre d'entrer par la porte principale, là où les serviteurs et non pas les gardiens l'attendent. Lorsqu'une personne est chrétienne et elle devient Jéhovah, on la rebaptise, pour la simple raison qu'on ne veut pas que lorsqu'elle prie, par son nom, elle nourrisse le Dieu catholique. Elle devra maintenant nourrir le Dieu jéhovique. Et ces techniques, la religion, sont fonctionnelles. Elles permettent à l'être humain de se relier collectivement. Elles permettent à l'être humain de se réunir en collectivité, donc d'engendrer des sociétés évolutives. Elles permettent à l'être humain de supporter son ignorance. Elles permettent à l'être humain de supporter sa misère. Elles permettent à l'être humain de supporter. Elles ont tous un défaut. Elles ne permettent pas à l'être humain de se libérer. Il n'y a pas de religion sur cette planète qui permette à l'humain une liberté. Toutes les religions sont organisées. Toutes les religions sont bonnes. Par contre, elles s'adressent aux masses. Elles ne s'adressent pas à un individu qui a la faculté libre de penser, qui a la faculté de comprendre qu'il est manipulé, qu'il a la faculté de comprendre que le libre-arbitre n'existe pas, qu'il a la faculté de comprendre ce que c'est qu'une chose intelligente, qu'il a la faculté de comprendre qu'est-ce que c'est que d'avoir du cœur. Lorsqu'un être humain, homme, femme ou enfant, pose des questions interdites par sa technique, par sa religion, alors la religion essaie de lui faire comprendre qu'il n'est pas correct. Les techniques les plus drastiques vont être celles qui vont vous dire « Ne lisez plus aucun livre. Tout est mauvais, sauf notre livre. » N'écoutez plus la bouche de ceux qui ne sont pas de notre religion. Parce que ces techniques disent à l'homme, vous êtes tellement faible que vous risquez de rencontrer un maître plus puissant et de changer de maître. Ne vous soumettez pas à la tentation, ne risquez pas de voir clair. Alors ces techniques, ces religions engendrent chez l'homme l'instruction d'une foi aveugle. Aveugle veut dire, si tu te trompes, ne voyant pas, tu ne le sauras jamais. Alors, lorsque l'être humain continue sa croissance au-delà de la religion, la religion, elle n'est pas mauvaise, elle est essentielle, sauf que la religion devra muter. Ces temps-ci, à la télévision, on a une panoplie de films sur la Bible, sur la vie du Nazaréen. Et ceux qui ont regardé le film sur Jacob, Joseph, ceux qui ont regardé le film des 10 commandements, on peut le louer de temps en temps, c'est intéressant de louer ça. Pourquoi? Ça nous donne une idée de l'évolution des dieux à travers les temps. On peut le louer dans des clubs vidéo, les 10 commandements. Alors, on a un Moïse qui est extrêmement drastique, un vrai tyran. On a un roi divin, un dieu, qui interdit à son prophète de pénétrer en terre promise parce qu'un jour, il a douté. Ce dieu ne sait pas pardonner. Ce dieu n'a pas appris à pardonner. Alors, même si son fidèle serviteur amène le peuple d'Israël en terre promise, ce fidèle serviteur ne rentrera pas en terre promise. Ha, ha, ha, il a douté un jour, le chien. Alors Dieu ne pardonnant pas à cette époque, ce prophète doit mourir avant de gagner la terre promise. Et si on regarde les dieux d'aujourd'hui, ces dieux de paix, ces dieux qui pardonnent, ces dieux qui ne sont pas de colère et de vengeance comme dans l'antique époque, on peut se rendre compte que les dieux ont évolué au même rythme que l'évolution des hommes. Ces dieux. Ces dieux ont été créés en même temps que l'homme. Ces dieux ont été créés en substance en même temps que l'homme et ils ont été engendrés finalement par l'homme à l'image et à la ressemblance de l'homme. Et parce que l'homme n'a pas su comprendre la mécanicité écologique qui incombait à ses mains et à son cerveau, il aurait mis toutes ses gaffes et toutes ses réussites entre les mains d'un dieu quelconque, de façon à se voir dégager du poids massif de la responsabilité d'une planète. Par contre, il y a des phénomènes intentionnels, des phénomènes créationnels qui ont engendré et l'homme, et la terre, et les dieux. Les dieux sont dans le ciel, dit l'antique théologie. Et elle dit aussi, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu créa le ciel. Ce Dieu-là n'est pas dans le ciel. Et il créa la terre. Et lorsque l'homme prie à un Dieu dans le ciel, il prie à une copie conforme. Il est assujetti à une technique qui permet à l'humain de supporter son poids et son fardeau. C'est-à-dire que ces dieux sont une espèce de banque où on place de l'énergie et tout ce qu'on ne peut supporter, on le met là. Par une technique qui s'appelle bien souvent la prière. La prière peut aussi prendre le nom de méditation, elle peut prendre différents autres noms. Toutes les prières enseignées jusqu'à date à l'homme, à la majorité des humains, sont des prières qui permettent à l'homme d'entreposer son énergie dans le monde de la mort, donc dans le ciel. Mais ces prières ne permettent pas à l'homme d'aller chercher de l'énergie pour s'en servir. C'est pourquoi l'homme, lorsqu'il prie, n'a pas souvent de réponse. La coalition mentale, elle se développe et elle se déploie au travers le système nerveux et au travers le système neuronique, au travers le cerveau de l'homme, de la femme et de l'enfant. La coalition mentale, c'est lorsque plusieurs mentales sont capables d'engendrer de nouvelles questions, de supporter de nouvelles réponses et finalement de dépasser la technique qu'on appelle la religion. Lorsqu'il y a une coalition mentale, bien souvent ceux qui vivent cette coalition mentale qui vivent inconsciemment ou consciemment, vont se monter contre les religions. Et là, ils engendrent une problématique majeure parce qu'ils interdisent à tous les humains qui n'ont pas encore la faculté de parvenir à cette coalition mentale de se servir de la technique appelée religion pour continuer leur ascension, leur conscientisation, leur désillusion. Lorsque nous nous libérons d'une technique, nous ne pouvons pas prétendre que la technique n'est pas bonne. Parce que la technique, si elle nous a rendus esclaves, elle nous a permis de devenir des maîtres. Elle nous a permis de nous renforcer à un point tel qu'aujourd'hui est venu le temps où nous disons « Je suis mon seul maître » du point de vue de ma conscientisation. Je ne peux pas me fier à un livre traditionnel qui explique le passé pour moi comprendre le présent. Je ne peux pas me fier à Enoch ou me fier à Job. Je ne peux pas me fier à aucun livre traditionnel. Je pose des questions et j'attends la réponse. Et la réponse qui me plaise, qui me semble logique, je les supporte jusqu'au jour où peut-être je les rejetterai pour d'autres réponses. Mais si l'humain n'a pas la faculté de transcender la religion, si l'humain n'a pas la faculté d'accepter le poids sur ses épaules de ce que toutes les religions promettent, il a besoin de la religion. Alors on supportera le poids pour lui. Lorsque l'humain est culpabilisable, lorsque l'humain se sent coupable, lorsque l'humain n'est pas capable de comprendre qu'il n'est pas coupable, alors il a besoin de la confesse. Lorsqu'il va voir le prêtre, celui-ci, au nom de Dieu, le pardonne, et l'humain se sent à l'aise, l'humain se sent mieux, et l'humain continue à vivre, tout en continuant sa croissance. L'humain a replacé dans le monde de la mort, entre les mains de son Dieu, par la technique de la prière et de la confession, un poids de sa responsabilité. Il n'est pas coupable, il est responsable. Lorsque l'être humain veut devenir au-delà d'une technique religieuse, lorsque l'être humain veut se libérer, lorsque l'être humain ne veut pas apprendre, lorsque l'être humain veut comprendre, alors il doit supporter un fardeau de plus en plus pesant, parce que là, il recevra de l'énergie du monde de la mort. Cette énergie engendrera chez lui une anégoïsation. Cette énergie engendrera chez lui le plan mental, au-delà de l'intellect. Cette énergie engendrera chez lui un écrasement de l'ego. Tout Tout ce que l'homme, à travers ses différentes vies, a placé dans le monde de la mort, lentement revient vers lui sous forme de réincarnation pluralitaire, et lentement l'individu devient son seul maître, c'est-à-dire qu'il devra maintenant supporter le poids karmique de sa vie. Il ne pourra plus s'en remettre à une divinité quelconque. Par contre, il pourra apprendre à se servir de l'énergie placée dans le monde de la mort, dans différents égrégores, par tous les peuples de toutes les humanités de cette planète. La religion mentale que j'ai déjà abordée dans une conférence spéciale, c'était une religion qui un jour va naître sur cette planète et qui va avoir la faculté de rallier la majorité des humains, quel que soit leur drapeau, quelle que soit leur tellurie, quelle que soit la forme de leur pays ou de leur continent. Une religion qui pourra permettre à l'humain de se rallier entre lui par la logique. Non pas une logique sans cœur, bien que dans le commencement des temps de cette religion, la logique sera souvent sans cœur. Une logique qui permettra de dire à l'homme, qui pourra faire en sorte que chez l'homme pourra vibrer l'idée que lorsqu'un chevreuil traverse une frontière, on ne le fouille pas. Lorsque l'humain traverse une frontière, il devrait pouvoir traverser comme le chevreuil. Lorsque l'être humain pourra être capable de vivre cette coalition mentale, il pourra se prétendre citoyen du monde. Mais on ne peut pas se prétendre citoyen d'un monde alors que tout le monde nous refuse. On ne peut pas se dire Canadien si le Canada nous refuse. Nécessairement, la coalition mentale devra prendre de l'ampleur. La coalition mentale, c'est un phénomène qu'on ne peut pas créer parce que c'est un phénomène qui se crée de lui-même. Demander à Dieu de pardonner ne se fait pas. Parce que l'homme pardonne, parce que l'homme nourrit les dieux, lentement, il instruit les dieux à pardonner. Et au fur et à mesure de l'évolution de l'humanité, les dieux se pacifient, les dieux commencent à s'entendre entre eux dans le monde de la mort, ce qui commence à atténuer les guerres religieuses, les djihads, sur le plan planétaire. Et lentement, les juifs se rapprochent des catholiques, parce que dans le monde de la mort, le dieu juif se rapproche du dieu catholique. La coalition mentale va permettre à un individu de pouvoir vivre pleinement sa propre religion, sa propre religion, sa religion, sa technique, avec le Dieu qu'il voudra, de la façon dont il voudra, sans être assujetti à une organisation collective de la structure de sa technique. Et cette religion mentale sera la première religion sur la planète Terre qui permettra à l'individu de se libérer d'elle. Qu'est-ce que les religions promettent? La religion catholique romaine la plus connue ici enseigne ceci. L'homme n'est pas seulement de la chair, du sang et des os. Il est aussi de l'esprit. L'homme n'est pas qu'une âme. Il est de l'esprit. Il a une vie, bien qu'avant Jean 23, on parlait de la réincarnation. Par la suite, on a décidé de ne plus enseigner la réincarnation parce que l'humain flânait trop et on lui a dit qu'il n'y avait qu'une vie. Disons alors qu'il n'y a qu'une vie pour l'instant. Et lorsque l'homme sauve son âme, il gagne le monde de la mort, le ciel, et il s'assoit à la droite du Père. Même si on enseigne que le Père est partout et que la droite de partout, c'est dur à trouver. Lorsque l'homme meurt, il va vers un bonheur. On enseigne qu'il y a l'Esprit Saint. Et le catholicisme part surtout du Nazaréen, qui dit lui-même à ses disciples, « Allez et prêchez. » Alors les disciples lui disent, « Oui, mais on ne sait pas quoi dire. » Et le Nazaréen leur répond, « Ça n'a aucune importance. Quand ce sera le temps que vous parlerez, vous allez parler et vous saurez quoi dire. » Parce que les apôtres ont la foi aveugle, et parce qu'ils sont chanceux, leur foi aveugle est canalisée dans la bonne direction, ils partent. Et lorsqu'ils ont subitement le goût de parler, ils parlent. Et là, on se rend compte que de leur langage sort des choses absolument nouvelles, absolument incroyables. Ils ont même la faculté de guérir. Et ils se découvrent la faculté de pardonner. Ils ont accès à ce que le Nazaréen et à ce que l'Église catholique appelle l'Esprit Saint. Sauf qu'aujourd'hui, n'importe qui ici dans la salle ou ceux qui n'y sont pas et qui vont écouter la conférence, si vous vous prétendez être relié de l'Esprit Saint, on va plutôt penser que vous êtes relié à Satan. Parce que la technique ne vous permet pas d'aboutir. Elle vous permet d'espérer. Lorsqu'un être humain dit avoir un contact avec Dieu, il devient la risée des autres. Parce qu'aucune technique ne permet d'aboutir dans la religion. Elle permet d'espérer. On va aboutir en gang. Compris? Alors nécessairement, l'individu qui croit aboutir seul, on lui fait bien comprendre qu'il est hérétique. Il est un peu perdu. On le comprend. Ça va passer. Il vient de confesser, prie. Lâche tel groupe. Lâche ta femme ou ton mari. Cesse de lire de ceci ou de cela. Les religions promettent, et la religion catholique promet aussi à l'homme, qu'un jour l'homme pourra faire autant que le Nazaréen et même plus. Un jour. Mais un jour ne veut pas dire jamais. Les religions promettent aussi qu'un jour l'être humain sera éthérifié. Il aura un corps de lumière. Il sera immortel, donc il ne connaîtra plus le monde de la mort. Les religions promettent aussi à l'homme qu'un jour l'homme saura. Lorsque le Nazaréen finalise sa vie en disant « Mon Père et moi, nous ne formons qu'une seule personne. » Lorsqu'on lui demande « Qui es-tu ?» qu'il répond « Je suis. » Et qu'il dit que l'homme fera au moins la même chose que lui, sinon plus. Alors la religion promet qu'un jour l'homme sera en contact avec une intelligence christique, ce qu'on appelle au Québec l'intelligence supramentale. Alors la religion promet qu'un jour l'homme sera en contact direct, sans passer par un intermédiaire, un médium qu'on appelle prêtre, qu'on appelle évêque, qu'on appelle cardinal ou qu'on appelle pape, ou qu'on appelle gourou. La religion promet cela. Mais lorsque l'être humain a accès par accident, disons, à la possibilité de guérir, s'il n'a pas la bible en dessous du bras, on saura que Satan le possède. S'il a la bible en dessous du bras, on lui dira de cesser de guérir. Ce n'est pas convenable. Ça a fait parler les gens. Dernièrement, j'ai eu l'idée d'écrire un petit roman pour envoyer à une production de cinéma, de ceux qui font des téléromans, pour faire un petit téléroman intéressant, où on verrait le Nazaréen revenir au 20e siècle, ici à Montréal, et où on pourrait s'amuser à voir les problèmes qu'il y aurait à revenir, lui. Pratique illégale de la médecine, ça va de soi, mais pas juste ça. Hérésie, il se prend pour le prophète, il se prend pour le Messie. C'est écrit que paquet de Messie vont revenir. Lui, il va passer au cache comme tous les autres. Comment l'homme peut-il discerner le vrai du faux Messie? À l'instant où une personne se dit Messie, je ne suis pas Messie, mais il y en a qui le disent. Mais à l'instant où une personne se dit Messie, on dit, ah, les prophéties le disent, il va en avoir plusieurs. Oui, il va aussi avoir le vrai entre le lot. On va le reconnaître comment elles sont bannies toutes les Messies qui arrivent. Il y a des moyens de reconnaître, mais ce serait intéressant de juste voir de quelle façon un Messie doit traverser la rue. Prendre le métro et gagner sa vie, avoir de l'argent. À l'époque, on mendiait, mais ici, si tu mendies, tu te ramasses en prison. Lorsqu'on veut transposer de 1980 quelques années à aujourd'hui, on a un problème. La coalition mentale, qu'est-ce que c'est? C'est sans doute le terrain très fécond, la terre nouvelle, dans lequel va pouvoir être implantée une condition neuve. On parle du retour du Christ, le retour de l'énergie christique, pas le retour du Nazaréen. Jamais il n'a été question du retour de Jésus-Christ. Il a toujours été question du Christ. Et le Christ, lorsqu'il a christifié le corps de Chéosua, le fils de Joseph, de Jésus, il en a fait Jésus-Christ. Lorsque l'énergie supramentale, lorsque l'énergie christique descend à l'échelle de la planète, elle vient chercher les individus. Venant chercher les individus, elle engendre chez eux, premièrement, le doute salutaire. Un doute de tout. Un doute de la vie. Un doute de la mort. Un doute de Dieu. Un doute de soi. Un doute du doute. Et cela engendre une fièvre nouvelle qui déploie dans la conscience de l'homme une faculté d'intelligencer les choses, ce qu'on appelle le mental de l'homme. Au-delà de l'intellect, un quelque chose qui ne se cache même pas à travers un raisonnement apparemment logique, mais qui est prêt même à se déshabiller devant tout le monde, du point de vue mental comme du point de vue physique, si cela est nécessaire pour qu'il arrive à comprendre. Ce mental engendre une soif nouvelle, une soif fébrile qui n'est pas exclusivement reliée au centre coronarien, non pas une soif d'espoir, non pas une soif d'être sauvé, mais une soif de participer, une soif de comprendre. Et cette soif, elle est engendrée par la descente de l'énergie supramentale à travers la conscience mentale de l'homme, et elle nourrit ce plan mental pour lentement engendrer une connectivité mentale à travers différents êtres humains, et un collectivisme mental qui permet quand même le libertisme, c'est-à-dire qui permet à l'être humain de se libérer de la technique. Et c'est cela qui sera la coalition mentale, c'est-à-dire la nouvelle religion, la religion mentale. Une religion qui permet à un être qui est né sous le nom d'Isaac de marcher, et lorsqu'il veut rentrer en contact avec son Dieu ou avec un prophète comme Élie, eh bien, il voit une église catholique, il grimpe les marches, il rentre dans l'église, et il va s'asseoir, il va prier. Il a sa technique. Il rentre dans un endroit où il retrouvera le calme, dans un endroit qui a été énergisé par des êtres humains qui ont voulu créer des relations entre le monde de la mort, le ciel, les dieux et eux, et il pourra prier. Lorsque le catholique s'assoit à côté de lui, ils se parlent. Ils font la même chose. Chacun sa technique. Et lorsqu'une personne arrive à dire, « Moi, je ne prie plus parce que je suis la prière. » Parce que chacun de mes gestes est nécessairement en accord avec le plan. Parce que je suis devenu une partie consciente du système écologique, du système d'évolution. Parce que j'accomplis sans même faire de choix, sans même prendre de décision. Parce que je ne souffre plus d'attendre la réponse, parce que je sais au minimum que je saurai. Cet être humain peut prier. La prière n'est pas un handicap. Lorsque la prière prend de l'énergie pour la descendre chez soi, de façon à se guérir le corps physique, de façon à se guérir les lésions au niveau de l'ego, on pourrait dire de façon à se guérir l'âme, de façon à énergiser son plan mental, de façon à avoir des réponses qui ont toujours été cachées aux yeux et aux oreilles de l'homme, de façon à simplement retrouver la possibilité de voir autrement qu'avec les yeux physiques et d'entendre autrement qu'avec les oreilles physiques. Cette coalition mentale, cette religion mentale, elle permet à l'être humain d'être complice dans son évolution. Mais pour la première fois, l'être humain comprendra qu'il n'est pas question de technique, il est question de but, d'objectif. Lorsqu'une technique oblige l'humain à convertir, bien souvent le but devient la conversion et non pas la relation avec Dieu. Lorsqu'une technique n'oblige pas la conversion, lorsque chaque individu est soumis à sa propre technique, cette technique, il peut l'appeler catholique, ce n'est pas cela, n'a aucune importance, il peut l'appeler la sienne. Il peut dire, moi je prends une technique qui date de 3000 ans, de 5000 ans. Je prends une technique qui s'appelle le vaudou. Je prends une technique qui s'appelle une technique indienne ici. Je prends une technique maya, une technique inca. Je prends une technique des druides, ça n'a aucune importance. Moi ce que je veux, si l'individu dit cela, moi, ce que je veux, c'est aller chercher de l'énergie là où il y en a été mis, pour l'homme, par l'homme, et je veux simplement arriver à comprendre. Je veux participer de mon mieux, c'est-à-dire que je veux accomplir les voies qui doivent être accomplies, mais je sais que j'ai de l'ego, et chaque fois, je pense comprendre, j'accomplis mes propres volontés et je me casse la gueule. Je passe ma vie à vivre d'une évolution souffrante. Je passe ma vie à penser comprendre pour me rendre compte que je ne comprenais rien. Je passe ma vie à apprendre par essai et par erreur, comme les chiens. Je passe ma vie à donner, je ne reçois pas. Je passe ma vie à recevoir, et j'en souffre quand même. Ce que je veux, c'est juste avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir participer. Je veux accomplir, mais qu'on me dise clairement quoi faire. Lorsque l'homme en est rendu à ce point où il est capable d'être écœuré. Premièrement, il entre en contact avec un ajusteur de pensée, un phénomène théologiquement appelé archangélique, qui vient lui permettre une relation avec le plan christique, donc avec l'Esprit Saint, l'Esprit non coloré par la volonté de l'homme. Et cela lui permet d'entrer en contact avec son plan supramental, donc son esprit. Et pendant que la mutation ou la fusion, ou pendant que la communication ou la communion se fera entre lui-même, l'ego, la mémoire, la créature du temps et le phénomène supramental, eh bien, une grande partie de l'homme devra subir les conséquences d'un contact christique, c'est-à-dire qu'une grande partie de vous devra subir une souffrance, une insécurité, un doute, une peur, une panique, une hantise. Et comme le sont présentement les religions organisées, alors il pourra faciliter l'évolution de son ego. Il pourra faciliter l'anégoïsation. Il pourra faciliter la transition entre l'homme ancien, le plaignard, l'insécure, vers l'homme nouveau, la femme nouvelle. Et pendant ce temps, étant donné qu'il souffrira moins d'évoluer, il participera maintenant à son évolution plutôt que de la subir seulement. Et il aura la faculté, dans cette coalition mentale, de rencontrer d'autres gens, de d'autres obédiences, de d'autres conférenciers. Et il sera capable de leur parler. Et il sera capable, par cette coalition, ce regroupement du point de vue mental, même si certains ont un contact différent, même si certains ont une obédience différente, le mental reste la même chose. Le mental, il dit à l'homme, « Survie, sois heureux, sois bien, ne fais pas de guerre, économise l'énergie. » Quelle que soit l'obédience, le mental de n'importe quel être humain, le mental qui est en croissance, dit la même chose. Il dit « Ça ne sert à rien de s'embrasser, on se tête mutuellement, mais ça ne sert à rien non plus de se boxer, on se tête mutuellement. » Ça ne sert à rien de vouloir se convertir. Nous sommes des êtres humains. Nécessairement, nous avons la même fonction et nécessairement, nous avons le même but. De cette coalition mentale, alors, quelle que soit l'obédience, quel que soit le chemin pris par un individu qui se conscientise, il sera capable de parler. Il sera capable de transformer son vocabulaire de façon à s'ajuster. Mais hélas, la coalition mentale, lorsqu'elle commence, elle n'est pas encore assez puissante sur la planète. Pourquoi? Parce qu'elle ne commence qu'au niveau du Québec. Il y a une coalition mentale exclusivement qu'au Québec et elle contient présentement une vingtaine d'individus. C'est dommage. Elle contient une vingtaine d'individus autour duquel tournent peut-être 3 ou 4 000 martyrs de la transition. C'est dommage. Autour de ces 3 ou 4 000 martyrs de la transition tournent un paquet d'autres individus qui ont l'espoir que ces personnes sont peut-être ceux qui vont mener la solution. Et à travers cela, parce qu'il manque de coalition mentale, il manque de structuration, il manque de ralliement entre les humains, cela engendre que les humains travaillent tous les uns contre les autres, et cela engendre que les humains parlent tous les uns contre les autres. À un point tel que la coalition mentale est tellement naissante présentement au Québec, que même les individus qui suivent des conférenciers régulièrement ne peuvent s'empêcher de parler contre eux, de façon à valoriser leur condition mentale. Cela est essentiel, cela est nécessaire, cela est bon. Mais cela est con. Vous savez, il y a plusieurs moyens de parvenir à un objectif. Il y a tous les moyens sont bons. Cosmiquement, ils sont bons. Pendant qu'une partie de l'humanité suit un chemin où elle souffre, où elle meurt, où elle a faim, où elle se bat, où elle voit des membres de son corps s'arracher, une autre partie de l'humanité suit un autre chemin où ils vivent la paix, la santé, où ils vivent l'harmonie. Et ils vont arriver tous les deux au même résultat en même temps. Certains n'auront plus de vêtements, d'autres en auront trop. On a le choix de son chemin. On n'a pas le choix du résultat. C'est déjà accompli. Mais on a le choix de son chemin. Du point de vue cosmique, quel que soit le chemin que l'homme prend, on s'en fout. Par contre, du point de vue de l'humain, le chemin que l'homme prend, il s'en fout pas, lui. La coalition mentale, c'est quelque chose qui va naître, qui naît déjà, et qui ne se développe pas comme ça, on ne fait pas un club de coalition mentale. C'est quelque chose qui ne doit pas être pris dans un club, qui ne doit pas être résumé dans une organisation. Ça n'empêchera pas des êtres humains d'une organisation d'être dans la coalition mentale. Mais cette coalition mentale ne devra toujours que se faire que par complicité évolutive. Donc, elle ne pourra jamais être régie. Parce que si elle est régie, elle aura des frontières. Elle sera limitée. Elle sera limitée à une race, à un peuple, à une couleur de peau, à un système nerveux. La coalition mentale ne peut pas être régie par quoi que ce soit, alors que les religions ont été organisées. La coalition mentale, elle se fait lorsque l'être humain est capable de vibrer à la condition que l'autre humain est aussi un être humain. Regardez ceci. Un jour, je me promène et je rencontre un imbécile qui me dit « Moi, je suis un athlète. » Bon. Moi, je suis capable de courir mauditement plus vite et plus longtemps que toi. Il n'y a rien là. Prête-moi ton corps. Je vais courir aussi longtemps, aussi vite que toi. Alors l'autre ne comprend pas. Alors je lui répète, prête-moi ton corps. Je vais être aussi bon que toi. Et si je te prête le mien, je vais être meilleur que toi. Alors il comprend toujours pas, mais ses jambes y ont servi. C'est poussé. Quand vous rencontrez un être humain, vous rencontrez un être humain. Vous ne rencontrez pas un corps physique. Tu as vu sa grosseur? C'est peut-être sa génétique. Mais ce qui habite ce corps est de la même nature et de la même substance que vous. La coalition mentale, c'est lorsque l'être humain va vibrer à partir non pas de la vision qu'il a de l'autre, mais à partir d'une relation ou d'une communion entre ce qui habite la forme. Alors, lorsque je rencontre une personne qui est handicapée mentale, je sais que son corps physique n'est pas apte. Si j'habiterais le même corps physique qu'elle, je serais comme elle. Je ne peux pas prendre un bon programme d'ordinateur et le placer dans un ordinateur de poche et m'attendre d'avoir le même résultat que les ordinateurs qui sont placés à bord des navettes spatiales. Le programme est le même, mais le résultat affiché va être bien différent. Lorsque je rencontre une personne qui a la faculté de se rappeler plus que moi, on va dire intelligente, mais en réalité, c'est de l'intelligence, elle n'est pas meilleure que moi. Ce corps permet cela. Et ce qui l'habite aura donc tel travail à accomplir. Moi, j'ai un corps qui permet un contact autre que lui. Je ne suis pas meilleur. Je suis différent. De par la forme exprimée, pas de par ce qui m'habite. Étant donné que l'être humain a la faculté de muter son corps lors de sa vie, étant donné que l'être humain a la faculté de cellulariser son évolution, alors il peut améliorer la condition du corps, ce qui nécessairement améliorera la condition de l'expression, donc de ce qui sera exprimé, pas de ce qui habite le corps. Étant donné qu'on améliore la condition de ce qui est exprimé, notre âme, qui contient l'ego, expérimente une nouvelle chose, et l'âme, ramassant une mémoire expérientielle nouvelle, pense qu'elle vient d'évoluer. Elle ne vient pas d'évoluer. La coalition mentale, c'est ce qui va permettre à l'être humain, au-delà des religions organisées, de se rendre compte que lorsqu'il rencontre un corps physique, il rencontre autre chose qu'un corps physique, il rencontre quelque chose qui l'anime. Quelle que soit la façon dont cette chose qui l'anime est exprimée dans le corps physique, il rentrera en communion avec ce qui anime et non pas avec ce qui est animé. Alors il parvient à un autre palier d'une évolution nouvelle planétaire. Il se rapproche de l'homme et de la femme nouvelle ou de l'enfant nouveau. Il se rapproche de ce que j'appelle l'amour intelligent. Il sera capable d'aimer simplement parce qu'il ne sera pas capable de faire autrement que d'aimer. Pas les yeux, pas les cheveux, pas la grandeur des seins, pas la hauteur, pas la force musculaire. Simplement qu'il reconnaîtra dans le corps la même chose qu'il reconnaît chez lui. Cela va engendrer une complicité d'évolution. Et cette complicité d'évolution, lorsqu'elle est animée par un être humain trop spirituel, engendre une compassion d'évolution qui va nuire à la coalition mentale. Lorsque l'individu entre en vibration avec une entité qui habite un corps physique handicapé, l'individu découvrira que l'entité qui l'habite le corps est aussi puissante que lui, mais que ce qui est exprimé n'est pas puissant comme lui. Alors s'il est trop spirituel, émotivement trop relié à l'autre, il pourra souffrir, il aura pitié. Et la pitié est ce qui nuit le plus à l'évolution des corps physiques. Les handicapés ont un problème, les autres, ceux qui ont pitié d'eux. Ils ne peuvent pas croître, ils ne peuvent pas se développer, ils ne peuvent pas muter leur corps physique de façon à permettre une expression. Ce n'est pas parce qu'on bouge mal un bras qu'on n'a pas une expression au niveau de notre conscience. Mais la pitié, elle nuit. L'amour intelligent n'a jamais pitié. L'amour intelligent n'a jamais de compassion. L'amour intelligent ne peut jamais engendrer de jalousie. L'amour intelligent ne se change jamais en haine. L'amour intelligent laisse venir les choses. Elle laisse les choses être et elle laisse les choses s'en aller. La coalition mentale est ce qui va permettre une fusion du point de vue mental et non pas du point de vue émotivo-théologique. Une fusion des consciences de l'homme. La religion mentale parce qu'elle sera tributaire du plan mental, elle sera individuelle et elle sera capable de comprendre que chaque être humain doit être individuel dans sa technique de relation entre des forces qui l'ont engendré ou entre des forces qui l'ont engendré et lui. Lorsque l'homme qui se conscientise, lorsque la femme qui se conscientise rencontre un être humain, je répète, elle ne rencontre pas un corps physique. Bien souvent, c'est ce que les yeux physiques amènent à l'homme. Ils amènent à l'ego l'expérience de la vision physique du corps, et selon l'expression du corps, selon la longueur de son nez, selon les faits, les traits de son visage, on pourra, l'ego pourra dire, « Ah, ça c'est un hypocrite. Ah, ça c'est un imbécile. Ah, es-tu vu à la face? Ah, as-tu vu ceci? As-tu vu cela? » C'est quoi la relation théologique entre les humains? On parle d'infidèles. Pourtant, ils sont fidèles à leur Dieu. Infidèles à notre Dieu. Alors, on dit infidèles. On parle d'hérétiques, de ceux qui sont dangereux pour notre religion. On parle d'impies. On parle de races idiotes. On parle de peuples barbares. On parle de peuples dangereux. Et alors qu'eux font la même chose que nous, évidemment, c'est nous qui avons raison. Hélas, ils ont aussi raison que nous. Et lorsque l'être humain reste assujetti à la technique de la religion, lorsque l'être humain se confine dans les barrières d'une religion comme la catholique, qui veut dire universelle, alors nécessairement, il ne peut faire autrement que lorsqu'il rencontre un être humain, ne rencontrer qu'un corps physique. Il y en a des personnes qui vont dire, « Moi, je suis un bon chrétien. » Vous savez, ceux qui adorent le Seigneur, celui qui saigne sur la croix. Lorsqu'un être humain est digne d'être un être humain, lorsqu'il n'est plus assujetti à l'évolution de l'animal humain, l'évolution du troupeau, ce n'est pas péjoratif. Tant que l'animal humain est encore un enfant, il doit être dans une garderie qu'on appelle religion. Une garderie qui détermine l'heure où on se couche, les journées où on mange telle ou telle nourriture, les journées où on doit penser à nourrir le monde de la mort, c'est-à-dire les journées où on doit prier, et tout est organisé. Cela est essentiel, bon et juste. Lorsque l'être humain veut naître sur, ou dedans, ou au travers, ou contre l'animal humain, lorsque l'être apparaît dans l'homme, il ne doit pas. Et lorsque la coalition mentale va grandir, cela va de plus en plus faciliter la tâche à ceux qui vont se conscientiser. Il ne pourra pas reconnaître qu'un corps physique. Alors il sera capable de regarder une pierre et reconnaître ce qui est exprimé dans la pierre. Il ne vénérera pas la pierre, parce que lui est autrement que de la pierre. Mais il saura que la pierre est de la pierre, et que la pierre est de l'énergie, et que l'énergie est nécessairement une expression extrêmement bâtarde du même esprit qui l'habite, lui. Lorsqu'il verra une plante, il saura qu'une plante est une plante, et qu'à sa juste valeur, la plante est aussi de l'énergie, espritisée, terrestrifiée, de façon à engendrer un support matériel, soit des animaux, soit à l'homme. Une nourriture. Lorsqu'il rencontrera un animal, il saura que l'animal est investi de vie. Et je ne parle pas exclusivement du corps vital. Je parle aussi d'une énergie qui intentionnalise sa présence sur le plan planétaire. Il ne vénérera pas la vache comme on le fait aux Indes. Il la tuera s'il a faim et il la mangera. Mais il sera conscient qu'en tuant une vache, il tue une partie de lui. Et donc, il aura le droit de la manger parce qu'il la réitère. Et de cette façon, le corps de la vache devient un peu le corps de l'homme. Et lorsqu'il rencontre un être humain, quelle que soit sa race, quelle que soit son évolution génétique, une race humaine qui a un système endocrinien trop évolué ne peut pas supporter le contact avec le phénomène supramental. Et nécessairement, il souffrira comme l'animal humain souffre. Et nécessairement, il accourra comme les troupeaux accourent. Il ira faire les pèlerinages. Il marchera des jours et des milles pour arriver à juste aller se faire confesser. Et il souffrira de voir les autres souffrir. Et il haïra parce qu'on l'haïra. Il n'est pas inférieur. Ce qui l'habite est la même chose que ce qui habite le corps de l'observateur, de votre présence. Lorsque de l'eau est placée dans un verre de bois, a-t-elle moins d'importance que l'eau placée dans un verre de cristal? Dans les deux cas, il y a de l'eau. Parce que l'homme ne voit que le verre, il dit « yark » dans le cas du verre de bois, et il dit « wow » dans le cas du verre de cristal. Et lorsque l'homme n'est pas suffisamment évolué, lorsqu'il boit dans le verre de cristal, il le brise avec ses dents. Parce qu'il n'est pas prêt, il ferait mieux de boire dans le verre de bois qui est ajusté à lui. Le corps de l'homme est extraordinairement prioritaire, en ce sens qu'il permet un contact entre la matière et ce qui a intentionnellement engendré la création. Le corps de l'homme est de la matière animée, vivante, croissante et mutatoire. C'est la structure, la solution à la création qui permet à la lumière d'être de la matière tout en conservant son intelligence, son amour et son intentionnalité. Seul l'homme a la faculté d'être extrêmement matériel, d'être minéral et d'être animé, en plus d'être conscient. Mais ce n'est pas parce que le corps n'est pas X ou Y que ce qui l'habite est autre chose. Lorsque un être humain rencontre un extraterrestre, je l'ai souvent dit, l'extraterrestre doit rencontrer un terrestre extra. Toute la structure hiérarchique extraterrestre a besoin du corps physique de l'homme. Elle est assoiffée de la génétique humaine parce que l'homme, le corps physique de l'homme, est la solution à la création. Ces extraterrestres sont en phase d'involution alors que l'homme est maintenant en phase d'évolution. Et la solution à l'involution est la fusion avec un être évolutif, ascendant et non plus descendant. La coalition mentale permet en même temps à l'être humain d'entrer en affinité vibratoire avec tout phénomène extraterrestre et reconnaître à leur juste valeur ses conditions extraterrestres. Un extraterrestre doit servir l'homme. Il ne doit pas asservir l'homme. Et lorsqu'il y aura une coalition mentale suffisamment puissante entre les humains, non pas une coalition religieuse qui est animée par l'émotion, le besoin d'être sauvé, le besoin d'espérer. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. On n'a rien à foutre de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de la vie. L'espoir n'a rien à voir. Lorsque l'être humain dans la coalition mentale planétaire sera suffisamment solide, premièrement, il n'y aura plus de guerre. C'est illogique. Il n'y aura plus d'extermination de races animales. C'est illogique. Il n'y aura plus de pollution comme nous le faisons aujourd'hui. C'est illogique. Il n'y aura pas non plus de pauvreté comme nous le connaissons à l'échelle de la planète. C'est aussi illogique. Les pays riches gaspillent, brûlent, détruisent des denrées alimentaires pour ne pas faire chuter les prix. Dans un système actuel, un système basé sur l'émotivité, c'est logique. Dans un système engendré par une coalition mentale, c'est illogique. Nous avons une structure présentement planétaire qui oblige l'homme à travailler. Tout est basé sur le travail de l'homme. Parce qu'à un moment donné, de l'évolution théologique, les forces jéhoviques, ceux qui ont instauré les lois, Yahvé a instauré l'amour psychologique. Les forces jéhoviques, donc, qui ont instauré les lois, on dit, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. La coalition mentale comprend qu'il est temps que le robot transpire pour l'homme. Nous n'avons pas besoin de travailler. Nous avons suffisamment de technologies planétaires de façon à faire en sorte que la matière travaille pour l'homme. C'est le rôle de la science d'engendrer une structure matérielle qui travaillera la matière pour libérer l'homme de la matière. Alors les robots devront tisser le linge, fabriquer les aliments, repasser votre linge, fabriquer les automobiles, entretenir celle-ci, tout faire. Et les robots, on les interdit dans les sociétés parce que les syndicats sont continuellement confinés, comme les gouvernements, à engendrer les nécessités sociales qui obligent leur présence. On perd de l'emploi. Imaginez GM, General Motors du Canada, qui décide de dire à tous ses employés, nous allons tout robotiser. Et nous allons prendre 50 $ par semaine sur vos payes pour acheter les robots. Et lorsque les robots auront pris vos emplois, vous continuerez à être payés et vous ferez ce que vous voudrez de vos vies. Pour la compagnie, ça ne coûtera rien. Tous les employés auront participé à la transformation robotique de la compagnie. Les automobiles seront mieux faites, parce que les robots ne prennent pas de break, ne sont pas écœurés, ne se disent pas, tiens, c'est 10 minutes avant le café. Ça peinture mal, ça boulonne mal, ça oublie ceci, ça oublie cela. Et les employés, qu'est-ce qu'ils feraient? Dans le premier temps, ils seraient perdus. Ils seraient comme à la retraite avant le temps. Parce qu'ils n'ont pas encore de raison intelligente de vivre, à part celle du travail pour gagner sa vie. On ne doit pas continuer à gagner sa vie, on l'a gagnée. Ça fait des millions d'années qu'on lutte contre les éléments, contre le froid, la pluie. Je ne parle pas des mammouths, je ne parle pas des ptérodactyles, je ne parle même pas des smilodons, des eaux des cavernes. Je ne parle même pas des guerres entre nous-mêmes. Je ne parle pas des tremblements de terre, des typhons, des raz de marée, des volcans, des famines, des sécheresses, des inondations. On l'a gagné, notre vie. On ne doit plus rester attaché à la tradition. La coalition mentale va engendrer une nouvelle société de complicité. Pour cela, l'humain doit se réveiller. L'humain doit commencer à laisser vibrer dans son cœur et dans sa tête. Donc, avoir un cœur intelligent ou une intelligence qui a du cœur. L'idée est qu'effectivement, on doit commencer à penser au changement. Alors, General Motors du Canada devient robotisé. Chaque individu est libre de travailler comme il le veut, de faire ce qu'il a à faire, et on est capable de continuer à le payer. Il faut des employés pour entretenir les robots, parfait. Chaque individu est recyclé, et il aura une heure ou deux, ou trois, ou quatre, ou cinq par semaine à faire, et c'est tout. Le robot ne prend pas la vie de l'homme. Le robot peut prendre son travail. Et l'homme, il ne veut pas perdre son travail parce qu'il a l'impression qu'en perdant le travail, il perd la vie. Parce qu'il reste assujetti à un archétype qui dit, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Nous sommes dans un monde qui n'est pas mauvais. Nous sommes dans un monde relié à des égrégores, à des religions organisées qui ont été salutaires. Nous sommes dans un monde qui pourtant deviendra de plus en plus illogique par rapport à la conscience nouvelle qui va habiter et animer l'humain. Nous sommes dans un monde qui de plus en plus deviendra problématique pour celui et celle qui va devenir de plus en plus mental. Et nécessairement, chaque être humain devra engendrer une coalition mentale, c'est-à-dire qu'il devra être capable de vibrer chez lui. Non pas la même technique, mais au moins le même objectif. Comprendre. Pas dire que mon Dieu est le vrai. Je m'en fous de mon Dieu. Il s'occupera lui-même de venir le dire, s'il est vrai ou faux. Mais s'arranger pour au minimum appliquer ce que nous concevons, nous, en tant qu'êtres humains, comme étant logique, comme étant intelligent. Il y a deux sortes de retours à la nature. Il y a le retour traditionnel, où on va couper son bois, où on fait chauffer son poêle à bois, où on cultive et où on va à la chasse, où on gèle un peu l'hiver, où on se couche avec 4-5 couvertes de laine, où on refuse de synthétique, où on n'a pas d'électricité, pas de radio, et qu'on est bien. On passe sa vie à mériter de vivre. Et il y a une autre manière. Pendant qu'on est dans la nature, dans la forêt, à jouer avec les enfants ou à jouer tout seul, les robots font le ménage. L'électricité qui ne pollue pas entretient la maison. Et là, on passe notre vie à se servir de notre vie. L'homme doit, et il doit, et pour cela, il doit commencer. Et pour cela, vous devez commencer à vibrer. L'intelligence de transformer les choses. Pas contre l'homme. L'homme n'est pas cinglé. L'homme n'est pas un imbécile. Quel que soit l'humain, il peut comprendre. Si on le lui dit convenablement, il pourra comprendre. Si on le lui prouve convenablement, alors il comprendra. Et cela, une coalition mentale. Permettre à l'autre d'en arriver à une conclusion. Ne pas l'obliger à une conclusion. Parce que lorsque l'humanité a été convaincue, on devra engager des gens pour continuer à la convaincre. Et ça, ce n'est pas intelligent. L'homme doit comprendre. Il y aura des guerres, il y aura des catastrophes, il y aura d'autres famines, il y aura d'autres problèmes. Et le Québec est l'un des endroits les mieux placés. Sur tous les plans, il est presque communiste. Alors les Russes ne l'attaqueront pas trop. Il est presque capitaliste. Alors les Américains ne l'attaqueront pas trop. Il est français. Alors l'Europe ne l'attaquera pas trop. Il est plein de ressources. Alors il pourra être autonome et indépendant rapidement. Et il est habité par des individus qui, au détriment de toutes les invasions sociales, sont restés des bâtards de l'humanité. Des individus qui n'ont pas encore réussi à s'associer, qui ont toujours été capables de travailler les uns contre les autres, de parler les uns contre les autres, de se démolir, de chialer. Et c'est cette grande qualité du Québécois qui permet chez lui la naissance plus rapide d'une conscience individuelle. Même s'il y aura des heurts entre la conscience individuelle et la conscience individualiste, cela permettrait à la coalition mentale de naître ici plus facilement. Un monde intelligent, ça se peut. Beaucoup d'humains ont de l'expérience des films et des livres du passé. Ils vont dire, on le dit souvent, ça n'a jamais rien changé. C'est faux. Il y a eu différentes révolutions sur cette planète. Il fut un temps, pas très longtemps, où on allait Montréal-Québec à cheval. Où les enfants devaient aller à l'école en marchant longtemps sur le bord des chemins, même l'hiver. Il n'y a pas d'autobus scolaire pour les frapper. Il y a eu un temps où on devait s'armer contre les Indiens. Il y a eu un temps où on se chauffait à peine, on chauffait tout dehors, parce que nos poêles à bois n'étaient pas convenables. La cuisinière est conchiale aujourd'hui, même avec le micro-ondes qui est un peu lent. Mais il y a eu un temps où il fallait mettre du bois. Les choses ont énormément changé. L'été, quand il fait chaud, on climatise. L'hiver, on ajuste le petit bout de plastique. On écoute la télévision. On est au courant des nouvelles sur la planète. On a une conscience de plus en plus grandiose. On peut partir d'ici et en quelques heures être rendu à l'autre bout du monde. En automobile, on voyage beaucoup plus rapidement. Mais il y a une chose folle qui est restée dans l'homme. Les choses ont changé. Les mondes nouveaux, les mondes meilleurs, ont été amenés. Ce n'a pas été des promesses lancées en l'air, faites il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans, 500 ans, 1000 ans, 1500 ans ou 2000 ans. Ce ne sont pas des promesses faites en l'air. Le monde a changé. L'homme n'en a pas profité, mais le monde a changé. Avec la technologie que nous avons aujourd'hui, il n'y a aucune raison pour que la planète soit divisée, pour que certaines parties de la planète souffrent. Le monde a changé. L'homme n'a pas su en profiter. Alors l'homme ne doit pas dire, « Ah, ça fait longtemps qu'on nous le promet. » Ça ne vient pas, ça vient. C'est même venu souvent, et ça va venir encore. Alors qu'on se plaignait, à un moment donné, je rencontre un de mes amis à Chicoutimi, et puis on rencontre un fermier, et puis là, on lui demande, « C'était bien mieux les chevaux hein, que le tracteur. » « Oh là là, c'était pas mieux les chevaux. Les chevaux, faut-tu nourrir ça même l'hiver quand tu t'en chères pas. Tracteur, tu stationnes, tu l'oublies. » A de l'allure en maudit. Les chevaux, ça kick. Tracteur, kick pas. T'as le moteur est pas au point, ça kick, mais... On fait plus de foin pour les chevaux, on les fait pour les vaches. Il n'y a pas encore de tracteur pour faire du lait. Le retour en arrière, non. On doit faire un retour en avant. La coalition mentale est l'ordre supérieur à la religion, qu'elle permet, premièrement, à l'individu de se libérer d'elle, deuxièmement,